et je me mis à inspecter les portes, m'efforçant de découvrir la sienne à elle. Mais rien ne pouvait me guider. Au hasard, je pris une clé que je tournai. J'ouvris, j'entrai. Harriet, assise dans son lit, effarée, me regardait. Alors, je poussai doucement le verrou, et m'approchant sur la pointe des pieds, je lui dis « J'ai oublié, mademoiselle, de vous demander quelque chose à lire. » Elle se débattait. Mais j'ouvris bientôt le livre que je cherchais. Je n'en dirai pas le titre. C'était vraiment le plus merveilleux des romans et le plus divin des poèmes. Une fois tournée la première page, elle me laissa parcourir à mon gré. Et j'en feuilletai tant de chapitres que nos bougies s'usèrent jusqu'au bout. Puis, après l'avoir remerciée, je regagnai à pas de loup ma chambre quand une main brutale m'arrêta. Et une voix, celle de Rivet, me chuchota dans le nez. « Tu n'as donc pas fini d'arranger l'affaire de ce cochon de Morin ?»